étrangère, belle Amazone, viens-tu de Séville, de Barcelone? Tu poses la main sur l'épaule, j'y vois un signe, un symbole. T'as quitté Madrid pour Bruxelles, t'as vu la pluie, y'a plus le soleil. À la cave des Arnixelles, dans nos pupilles, cette étincelle. Est-ce le hasard si nos regards se sont croisés ce soir blafards? Est-ce le destin si nos chemins se sont croisés? Les doigts, les mains. C'est les doigts dans les cheveux, je plongeais dans le marron de tes yeux. Au profond des pupilles humides, miroir d'une âme plutôt timide. Sous la lumière des projecteurs, le corps étendu indéfini de douceur. En cette particulière intimité, émerveillé de tant de je ne sais quelle émotion intense ressentie tout au fond de mon fort intérieur même, bonté divine. Déjà je l'aime, le boîtier serré dans les mains, réglant flou de la mise au point. Je m'accordais de tout mon zèle à ma tâche tendue jusqu'à l'extrême, arquant le corps comme un félin d'un mouvement sensuel et féminin. Et sous la transparence d'un voile de rien, la courbe superbe au bas de terrain. Si tu veux bien l'été qui vient, le soleil couchant comme seul témoin, sous sa douce chaleur exerce sur ta peau de velours tendre caresse. J'enjamberai la campagne, m'entourberai s'il le faut dans les fagnes, ouvrirai à fond toutes les vannes pour interdire que tu ne fannes. En cette nature encore vierge, tu y parais plus belle que la Vierge. À la Madone, je brûle le cierge, mais l'Amazone, je brûle de fièvre. Diffusez l'intime lumière, combien subtile l'ombre légère qui vient mourir au creux de tes seins. Ne dis plus rien, sois la plus belle des étoiles, sous la voie lactée qui se voile. Je te couvrirai d'un léger voile, alors de soie tisserai ma toile. Repose à l'ombre de ma mémoire, croissant de lune de ma chambre noire. Révèle comme un mystère, ambiance intime de solitaire. Gravé à tout jamais dans mon cœur, jardin secret, parfum de fleurs. Belle de nuit, belle de jour, jardin secret, jardin d'amour. Jardin secret, jardin d'amour, belle de nuit, belle de jour, sois la plus belle des étoiles, sous la voie lactée qui se voile, je te couvrirai d'un léger voile, alors de soie.